Chapitre 3e, où le maître d'études se lave les mains. Monsieur Jabez North n'a pas une petite chambre à lui tout seul chez le docteur Tappenden. On ne gagne pas toujours à être trop bon, et notre ami Jabez trouva plus d'une fois ses bonnes qualités assez gênantes. Or, il arriva qu'Alec Campaign, jeune, était malade de la fièvre, parfois même ayant le délire, et le sous-maître étant un si excellent homme, si aimé des élèves, et son patron ayant une si grande confiance en lui, que le jeune malade avait été confié à ses soins et l'on avait dressé un lit pour lui dans la chambre de Jabez. Ce soir-là, quand notre ami monta à sa chambre avec son vaste pupitre sous son bras et une petite chandelle dans la main gauche, il trouva l'enfant très mal, en vérité. Il ne reconnaît pas Jabez, car il parle de régates qui ont eu lieu l'été dernier pendant les vacances. Il est assis sur son oreiller et il agite sa petite main en criant « Bravo Rouge, Rouge gagnera, trois hurrahs pour Rouge. Allons, allons, ferme, Rouge. Bleu est battu, Bleu a perdu. George Harris gagnera la journée. J'ai parié pour George Harris. 6 pence sur George. Allons, allons, ferme. » Ah, il paraît que nous n'allons pas mieux ce soir, dit le maître d'études. Tant mieux. Nous n'avons pas la tête à nous, et il est probable que nous n'observerons pas ce qu'on va faire. Tant mieux, tant mieux. Et l'excellent jeune homme commença à se déshabiller, non pas pour se mettre au lit, cependant, car il sortit d'une petite malle une blouse de couleur foncée, une paire de guêtres en cuir, une perruque noire et un chapeau de paysan à large bord. Il revêtit ces choses et s'assit devant la petite table sur laquelle il avait déposé le pupitre. L'enfant continue à divaguer. Il parle maintenant de sa jolie petite sœur qu'il n'a pas vue depuis l'automne. « Secoue l'arbre, Henriette, secoue ferme, elles vont tomber. » Il y en a tant qu'on ne peut pas les compter. Secoue ferme, Henriette, et prends garde à ta tête. » Le maître d'études prend dans son pupitre le paquet de cordes et il se met à le dérouler. Il en a un autre paquet dans sa malle et encore un autre sous son matelas. Il les joint ensemble. Elle forme alors une corde d'une longueur considérable. Il promène ses yeux dans la chambre, approche la lumière du visage de l'enfant, mais rien dans son regard n'indique qu'il ait connaissance de ce qui se passe devant lui. M. Jabez ouvre une des fenêtres de sa chambre. Elle est au 3e étage et donne sur le jardin de récréation à une certaine distance de la rue qu'un mur très élevé sépare du jardin. À mi-hauteur environ de cette fenêtre se trouvent deux poteaux servant à la gymnastique. Ils sont placés à 10 pieds environ du mur de la maison et le maître d'études les contemple d'un air indécis. Il laisse glisser la corde par la fenêtre et fixe l'extrémité à un crochet en fer scellé dans la muraille. Il est fort commode, ce crochet, et solidement fixé en apparence. On dirait même qu'il a été scellé depuis peu. Il mesure des yeux la hauteur, puis jette encore un regard incertain sur les poteaux, et il va sortir par la fenêtre quand une voix faible, partant du lit, lui crie « Que faites-vous donc avec cette corde? Qui êtes-vous? Qu'allez-vous faire avec cette corde ?» Jabez tourne la tête, et chose assez étonnante de la part d'un si bon jeune homme, il laisse échapper quelque chose comme un blasphème. « Stupide enfant, tu ne me reconnais pas, je suis Jabez, ton vieil ami. »« Ah, bon vieux Jabez, il ne faudra pas me remettre au Virgile de sitôt parce que j'étais malade, n'est-ce pas, monsieur North ?»« Non, non, vois-tu, je fais une balançoire. »« Oh, c'est fameux, une balançoire, et la corde est joliment solide. »« Quand serai-je assez bien pour me balancer? C'est si triste ici. Je vais tâcher de dormir, mais je fais de si mauvais rêves. »« C'est cela, dors, » fit le maître d'études d'une voix douce. Cette fois, avant de se rapprocher de la fenêtre, il souffle la chandelle. Il éteint également la veilleuse qui brûle sur la cheminée. Il porte la main sous sa blouse, comme pour s'assurer de la présence d'un objet sur son sein, le serre étroitement, puis il saisit vigoureusement la corde et s'élance par la fenêtre. Singulière manière de se balancer. Il se laisse glisser pied par pied, avec une prudence merveilleuse. Quand il arrive au niveau des poteaux gymnastiques, il donne à son corps un élan vigoureux et parvient ainsi à se saisir du plus élevé des deux. La descente devient maintenant la chose la plus facile, et Jabez est tout aussi à l'aise que s'il descendait un escalier ordinaire, car il est très fort en gymnastique, ce monsieur Jabez. Il laisse la corde pendre à la fenêtre de sa chambre, puis il escalade sans difficulté le mur du jardin. Et quand les horloges de Slopperton sonnent minuit, il est déjà sur la grande route. Il suit un chemin qui entoure la ville, et une demi-heure plus tard, il est de l'autre côté, dans la direction du Moulin Noir. Curieux moyen de faire une balançoire que cette promenade après minuit. Et même cette promenade est assez étrange de la part d'un si bon, d'un si honnête jeune homme. mais les gens les plus vertueux ont quelquefois d'étranges fantaisies, et c'est peut-être ici le cas. Une heure sonne à toutes les horloges de Slopperton, 2 heures, 3 heures. Le jeune malade ne s'endort pas, mais il repasse dans sa mémoire les scènes joyeuses de son enfance, les excursions pendant l'été, les vacances de Noël et les jeux bruyants. Le gentil Babil de sa petite sœur, morte il y a 3 ans. Tout cela passe confus dans son esprit, et quand sonne 3 heures et un quart, il parle encore, il s'agit toujours sur son oreiller. Bientôt, la corde se tend de nouveau, et quelques secondes plus tard, le sous-maître reparaît dans la chambre. Il reparaît dans un état vraiment pitoyable. Ses vêtements sont couverts de boue et déchirés. Il est trempé jusqu'aux os, et la sueur coule de ses cheveux en désordre. Il est effrayant à contempler ainsi, avec ses yeux bleus éclairés d'une flamme furieuse. On dirait les yeux d'une bête féroce à laquelle on vient d'arracher sa proie. Ses mains se crispent convulsivement et sa langue ne cesse de murmurer des imprécations à demi étouffées mais terribles. Tout cela pour rien, dit-il, toute cette peine, tout ce danger, tout pour rien. Tout le travail du cerveau et des bras perdu, rien, rien. Il remet la corde dans la malle et commence à ôter ses habits. L'enfant malade, d'une voix faible, demande sa médecine. Jabez verse une cuillerée d'une potion dans un verre et d'une main assurée, il l'approche des lèvres de l'enfant. Celui-ci est sur le point de la prendre quand tout à coup il pousse un cri. « Qu'y a-t-il ? » demande Jabez d'un ton bourru. « Votre main ! Votre main ! Qu'y a-t-il sur votre main ?» Une tache sombre, un peu séchée, une tache rougeâtre, à la vue de laquelle l'enfant tremble de la tête aux pieds. « Ce n'est rien, prends ta médecine et dors. » Mais l'enfant ne prendra pas sa médecine, il ne prendra plus rien de cette main tachée. « Je sais ce que c'est, cette horrible tâche. Qu'avez-vous fait? Pourquoi êtes-vous descendu par la fenêtre à l'aide d'une corde? Ce n'était pas pour faire une balançoire. Vous avez dû faire quelque chose d'horrible. Pourquoi êtes-vous sorti pendant 3 heures, au milieu de la nuit? Je les ai comptés. Pourquoi ces habits étranges que vous portez? Qu'est-ce que tout cela signifie? Je demanderai au docteur de me faire sortir de cette chambre. Je ne veux pas y rester une minute de plus. J'ai peur. » L'enfant essaye en parlant de sortir du lit. Mais Jabez le maintient avec sa main puissante qu'il presse sur la bouche du malade, ce qui l'empêche en même temps de bouger et d'appeler. Avec la main qui lui reste libre, il prend un flacon parmi ceux qui encombrent la table de nuit. Il jette la médecine qui se trouve dans le verre et la remplace par quelques cuillerées du liquide contenu dans un flacon étiqueté « opium, poison ». « Maintenant prends ta médecine, ou bien demain je me plaindrai au principal. » L'enfant essaie de résister, mais en vain. Une main vigoureuse lui rejette la tête en arrière et Jabez verse le liquide dans sa gorge. Pendant quelques instants encore, l'enfant continue de parler, puis il tombe dans un profond assoupissement. Ensuite, Jabez North se mit à laver ses mains. Quel étrange jeune homme, et surtout comme il s'y prend singulièrement pour laver ses mains. Il les mouille avec soin dans une très petite quantité d'eau, et quand il a fini de les laver, quand l'eau a pris une couleur rougeâtre, il la boit et sans faire la moindre grimace encore. « Allons, se dit-il, si je n'ai rien gagné ce soir, j'ai du moins essayé mes forces, et je sais de quel bois je suis fait. » Il était fait d'un bois étrange, cet excellent jeune homme. Ce n'est pas qu'on eût pu en trouver de meilleur, car il regarde sans sourciller l'innocent enfant étendu dans une masse inerte sur son lit. « Au moins il ne jasera plus, celui-là, dit-il. Non, il ne jasera plus. Il ne parlera plus de ses parties de plaisir et de ses longues promenades, des fêtes de Noël, ni même de sa jolie petite sœur morte il y a 3 ans. Peut-être va-t-il la retrouver, cette jolie petite sœur, dans un monde meilleur, où l'on ne rencontre pas de bon jeune homme de l'espèce de M. Jabez North. » Le lendemain, ce digne personnage descend, pâle et effaré, pour apprendre au docteur Tappenden que le pauvre petit malade n'est plus, et qu'il ferait peut-être bien d'en prévenir à la campagne aînée, incommodé du souper qu'il avait donné la veille à ses camarades pour fêter le rétablissement de son petit frère qu'il croyait assuré. « Oui, annoncez-lui la triste nouvelle au pauvre garçon, » dit le docteur Tappenden. « Oui, faites-le, vous, car je sais que vous le ferez avec tendresse. »